Dis donc. Oui. Où êtes-vous allé en vacances? Ailleurs. Ah. Mmh. Vous êtes descendu à l'hôtel des Trois Marches? Non. Pourquoi? J'en ai raté une. Alors vous êtes descendu à l'hôtel de la plage? Non, je suis descendu à l'hôtel de la place. Ah, je ne connais pas. C'est l'ancien hôtel de la plage. Mais pourquoi ont-ils changé de nom? Parce qu'ils ont changé de place. C'est toujours un petit hôtel de 2 étages avec ascenseur? Il y a toujours 2 étages, mais l'ascenseur a disparu. Depuis quand? Depuis qu'un client a appuyé sur le bouton du 6e. Le directeur a dû être surpris. Ah hein. Oui, surtout que le gars n'avait pas réglé sa note. Alors, ah, oui. Et voilà ce que j'aime dans les hôtels français, l'imprévu. Ah oui, mais remarquez, ça dépend du directeur. C'est bien vrai. Tenez, un matin, dans une chambre d'hôtel, je me suis réveillé au plafond. Il y a eu un tremblement de terre? Non, un changement de direction. Ah. C'est quel hôtel ça? C'est l'hôtel du parking. L'hôtel du parking, oui, celui qui a des chambres. C'est ça. C'est ça. Et il y avait du monde à l'hôtel de la place? Ah, je m'en viens donner rien qu'au restaurant, il y avait tellement de monde qu'on nous donnait des fourchettes à 8 dents. Pourquoi faire? Pour manger plus vite. Il y avait un bon chef? Oui, oui, oui, mais dommage, j'ai perdu ses plumes. Ses plumes? Oui, c'est un chef indien. Ça... Ouais, je connais un lave-au-poids où on mange bien. Un lave-au-poids? Oui, l'été, comme ils ont moins de travail, ils font restaurant. Ah, mais qu'est-ce qu'on mange dans un lave-au-poids? Des purées ou des œufs battus en neige. Ah. C'est bon? Non, mais c'est propre. Ah oui. Et vous aviez une belle chambre à l'hôtel de la place? Oui, oui, c'était une ancienne salle de bain. Comment savez-vous? À cause du robinet placé à la tête du lit. Mais vous aviez une salle de bain? Oui, oui. Où ça? Dans la pièce à côté. Alors vous preniez vos bains dans la pièce à côté? Non. Pourquoi il n'y avait pas de baignoire? Si, mais il n'y avait pas de robinet. Pourquoi n'y avait-il pas de robinet? Parce qu'il était dans la chambre à coucher. Bon. C'est ridicule de placer un robinet dans une chambre à coucher. Et une baignoire sans robinet, vous trouvez ça normal, vous? Enfin, pourquoi n'y avait-il pas de robinet dans la salle de bain? Mais la question n'est pas là. Où est-elle? Dans la pièce à côté. Quelle pièce? La chambre à coucher, sur le robinet. Mais pourquoi y avait-il un robinet dans la chambre à coucher? Parce que le plombier avait pris la chambre à coucher pour la salle de bain. Mais il n'avait pas vu qu'il y avait un lit. Il n'y avait pas de lit. Qu'est-ce qu'il y avait? Une baignoire. Mais pourquoi y avait-il une baignoire dans la chambre à coucher? Parce que c'était une ancienne salle de bain. Alors, vous dormiez dans le lit de la salle de bain? Non, dans la baignoire de la chambre à coucher. Mais où preniez-vous vos bains? À l'hôtel des bains. Ah, bah c'est bon. Et vous, où êtes-vous allé en vacances? N'importe où. Ah, à quel hôtel êtes-vous descendu? À l'hôtel du Berger. Ah, combien d'étoiles? Une. Une? Oui, mais une grosse. Une grosse. C'est un petit hôtel? Oui, c'est tenu par monsieur et madame Le Sauveur et leur fils. Ah, oui. Ils sont 3 pour diriger l'hôtel? Oui, c'est le patron, monsieur Joseph, qui a construit l'hôtel. Un bricoleur? Non, c'est un ancien charpentier. Là. Ah, oui, ça. C'est sa femme qui fait la cuisine? Oui, madame Marie. Madame Marie. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le fils, il sert à table, il fait le ménage. Ah, oui. Il est tout jeune? Oui, il a 30, un gars très sympa, avec des cheveux jusque-là et une petite barbe. Ah, oui, le genre artiste, quoi. Oui. Puis en plus, il est guérisseur. Ah, tiens. Et il est né le jour de l'inauguration de l'hôtel. Dans l'hôtel? Non, à côté, dans une étable, entre un bœuf et une mule. Un bœuf et une mule? Non, un âne. Un âne. Mais comment se dit-il qu'il soit né dans une étable? Bah, c'est un mystère. Hein. En tout cas, c'était la nuit de Noël. La nuit de Noël? Oui, même que M. Joseph a pendu la crémaillère avec des bergers des environs. Avec des bergers? Oui, dans le coin, il y a des moutons, alors il y a des bergers. Ah, ouais. Oui. Et les bergers ont rien donné au petit? Si, un mouton. Ah, en plus. Pourquoi en plus? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui a dit en voyant le petit, il est divin, cet enfant. Ah, ouais. Mais en somme, si je comprends bien, ce garçon est né la nuit de Noël dans une étable entre un bœuf et un âne. Mais sur de la paille. Sur de la paille, oui, oui. Enfin, j'ai l'impression que je connais vos hôteliers. Vous savez, pourtant, Le Sauveur, c'est pas un nom courant, hein. Il s'appelle Le Sauveur. Oui, Joseph et Marie Le Sauveur. Joseph et Marie Le Sauveur. Oui. Et le fils, ils l'ont baptisé comment? Marcel, et il n'est pas baptisé. Pourquoi? Parce que ses parents ne sont pas croyants. Ah.